ولقد أرسلنا فيهم منذرين. Et nous avions certes envoyé parmi eux des avertisseurs. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Regarde donc ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis. إلا عباد الله المخلصين. Exception faite des élus parmi les serviteurs d'Allah. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Noé en effet fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur qui exauce les prières. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse. وجعلنا ذريته هم الباقين. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. وتركنا عليه في الآخرين. Et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. سلام على نوح في العالمين. Paix sur Noé dans tout l'univers. إنا كذلك نجزي المحسنين. Ainsi récompenserons-nous les bienfaisants. إنه من عبادنا المؤمنين. Il était certain de nos serviteurs croyants. ثم أغرقنا الآخرين. Ensuite nous noyâmes les autres. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Du nombre de ses coreligionnaires, certes fut Abraham. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur sain. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez ? أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah ? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ? Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles. Et dit : Je suis malade. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit : Ne mangez-vous pas ? Qu'avez-vous à ne pas parler ? فراغ عليهم ضربا باليمين. Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. فأقبلوا إليه يزفون. Alors les gens vinrent à lui en courant. قال أتعبدون ما تنحتون. Il leur dit : Adorez-vous ce que vous-même sculptez ? والله خلقكم وما تعملون. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes là-bas. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.

Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Innahuma min 'ibadina al-mu'minin. Car ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. Wa inna Ilyasa la min al-mursalin. Élie était certes du nombre des messagers. Idh qala liqawmihi ala tattaqun. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas Allah ? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsan al-khaliqin. Invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs. Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin. Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Fakadhabuhu fa innahum lamuhdharun. Ils le traitèrent de menteur. Eh bien, ils seront emmenés au châtiment. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. Wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Salamun 'ala Ilyasin. Paix sur Élie et ses adeptes. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Innahu min 'ibadina al-mu'minin. Car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Wa inna Lutan lamin al-mursalin. Et Lot était certes du nombre des messagers. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. Et nous détruisîmes les autres. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin. Et la nuit, ne raisonnez-vous donc pas? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Jonas était certes du nombre des messagers. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Quand il s'enfuit vers le bateau comble. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Pose-leur donc la question. Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils ? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins ? Certes, ils disent dans leurs mensonges. Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. أصطفى البنات على البنين. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils ? ما لكم كيف تحكمون ? Qu'avez-vous donc à juger ainsi ? أفلا تذكرون ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? أم لكم سلطان مبين. Ou avez-vous un argument évident ? فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien que les mécréants vont être emmenés pour le châtiment. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. إلا عباد الله المخلصين. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. فإنكم وما تعبدون. En vérité, vous et tout ce que vous adorez. ما أنتم عليه بفاتنين. Ne pourrez tenter personne. إلا من هو صال الجحيم. Excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. وما منا إلا له مقام معلوم. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. وإنا لنحن الصافون. Nous sommes certes les rangés en rang. وإنا لنحن المسبحون. Et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah. وإن كانوا ليقولون. Même s'il disait si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. Ils y ont mécru et ils seront bientôt. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers. Que ce sont eux qui seront secourus. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Et que nos soldats auront le dessus. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ.